c'est Qisarul Amal. Qisarul Amal. Il a commencé avec pour sa grande importance et son absence, c'est un obstacle entre le serviteur et la réflexion. Qisarul Amal. Al-Amal, dans le Coran, ça s'utilise pour désigner l'illusion. Et ça s'utilise également pour désigner l'espérance de vie. L'espérance de vie. Et ce qui est voulu ici, c'est le deuxième sens. L'espérance de vue. L'espérance de vie, afwan. Donc, qisar al-amal, c'est que tu vois, tu vas avoir une courte espérance de vie. Cela veut dire, tu t'attends à la mort, tu t'attends à l'arrivée et l'attaque de la mort à n'importe quel moment. Et tu sais dans ton cœur que la mort peut arriver à n'importe quel moment. Tous on sait cela. Et tous on sait que à n'importe quel moment, on peut mourir. Mais c'est pas ça qui est voulu ici. Ce qui est voulu, c'est que cette science arrive dans le cœur. Tous, on sait qu'on peut mourir à n'importe quel moment, mais qui d'entre nous se prépare pour ce moment-là, quand il arrivera? On est dans une rafla, dans une insouciance, dans un oubli, dans une distraction par rapport à l'arrivée de la mort. Donc, le premier point, c'est Qisarul Amal, de voir la mort proche, de savoir que le départ, yani, est proche. À n'importe quel moment, tu peux quitter ce bas monde. Et que la durée de vie s'écoule rapidement. Regarde comment le temps y passe vite. On a l'impression qu'hier, on attendait l'arrivée de Ramadan. Aujourd'hui, sa moitié est passée déjà. Et reviens en arrière sur des exemples même plus lents que celui-là, et tu verras que le temps passe à une vitesse impressionnante, alors que nous, on est dans une rafla par rapport à cela.